we start this service. Nous allons prier pendant qu'on commence ce service. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, let your Holy Spirit que ton Saint-Esprit lead this service. Conduis ce service. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. You can sit in the presence of the Lord. Vous pouvez vous mettre dans la présence du Seigneur. Hallelujah. Amen. What a mighty day. Quel jour puissant. We had yesterday. Que nous avons eu hier. And we are going to continue from where we stopped yesterday. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier soir. And I bless the Lord so much. Et je bénis le Seigneur tellement. Even for this blessing. Même pour cette bénédiction. That I can be here at this time. D'être ici en ce moment. To speak to you about the mind of God. De vous parler de la part de Dieu. About what the Lord is saying today. Ce que le Seigneur dit ce soir. To the church of Christ. À l'église de Christ. That the kingdom of God. Que le royaume de Dieu. May be yours. Et peut-être prêt à vous. For you. Il est à vous. That you may not miss the coming of the Lord. Que vous ne puissiez pas rater le retour du Seigneur. In the wedding of the Lamb of God. Au mariage de l'agneau de Dieu. Now. Maintenant. Yesterday we talked. Hier nous avons parlé. About the wedding of the Lamb. Du mariage de l'agneau. And I started already. Et j'ai commencé déjà. I talked about very outstanding conversation between the Lord and the church. Les conversations très particulières entre le Seigneur et l'Église. I talked about the visitation of the Lord. J'ai parlé des visitations de l'Éternel. Even of the wedding rings in the sky. J'ai parlé des anneaux de mariage dans les cieux. And I said. Et j'ai dit. That there is a message the Lord is passing to the church. Qu'il y a un message que l'Éternel transmet à l'Église. When he presents the wedding rings in the sky. Lorsqu'il montre les anneaux dans les cieux. And I also said. Et j'ai aussi dit. That is a precious and beautiful holy message of the Lord. C'est un message précieux et très beau du venant du Seigneur. And that when you see the wedding rings ready. Et lorsque vous voyez les anneaux de mariage prêts. Every time the wedding rings are ready. Chaque fois que les anneaux de mariage sont prêts. That means the preparations for that wedding have been finalized. Ça veut dire que les préparations pour ce mariage sont finalisées. That means he that is concerned with preparing for the wedding of the Lamb of God. Celui qui est chargé de préparer le mariage de l'agneau de Dieu. That is the Lord God our Father in heaven. C'est-à-dire l'Éternel Dieu notre Père dans les cieux. That finally he has signaled to the church. Finalement, il a signalé aux églises. That look, I have finalized the preparations for that wedding. Voyez, j'ai finalisé les préparations pour ce mariage. And I said. Et j'ai dit. It speaks about the prophetic dispensation that the church has entered into. Il parle de la dispensation prophétique dans laquelle l'église entre. That the church has now entered. Que l'église est maintenant entrée. Into a very critical dispensation. Dans une dispensation très critique. If you look at the prophetic timeline of the church. Si vous regardez à la ligne prophétique de l'église. You see way back. Vous voyez vraiment très loin. 1948. En 1948. The formation of the state of Israel. La formation de l'État d'Israël. David Ben Gurion. Fighting and then they declared the state of Israel. Qui s'est battu et finalement déclaration de l'État d'Israël. That became the biggest fulfillment of biblical prophecy in our time. Cela était la plus grand accomplissement prophétique dans notre temps. Because it was spoken about in the Bible. Parce qu'on en a parlé dans la Bible. Making the Bible the living word of the living God. Faisant de la Bible la parole vivante du Dieu vivant. And then. Et alors. We see in the Bible, nous voyons dans la Bible, that one time, que une fois, when Jesus was walking out of the temple, lorsque Jésus sortait du temple, the disciples followed him, les disciples l'ont suivi, and he said to them, il leur a dit, no stone will be left to another on this temple here. Aucune pierre ne se demeurera sur une autre dans ce temple ici. Implying that he would come and rebuild anew. Impliquant qu'il va venir et rebâtir une nouvelle. But then, mais alors, the disciples confided in him. Les disciples se sont confiés en lui. Come right in front here, in front. Venez ici, venez ici, venez par ici. There are seats here in the front for you, precious people. Il y a des places pour vous, bien-aimés. The front seats are yours. Les sièges en avant sont à vous. 5 seats are enough for you there. Remove the books. Si vous pouvez juste thank you so much. The Lord bless you. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. You are not late. I've just begun. Vous n'êtes pas en retard. Je viens juste de commencer. And so, alors, they confided in him. Ils se sont confiés en lui. And they asked him. Et lui ont demandé. When will these things happen? Quand est-ce que ces choses arriveront-elles? And then they asked the most important question for the church. Ils ont alors posé la question la plus importante pour l'église. They asked. Ils ont demandé. Lord. Seigneur. When will you come back? Quand reviendras-tu? Everybody with me. Tout le monde avec moi. We are going to read the scriptures today. Nous lirons la parole ensemble. Try to write them down. Essayez de noter ces passages. The Lord spoke with me again and again. L'Éternel m'a parlé à plusieurs reprises. Including yesterday. Et même encore hier soir. About some sicknesses in the church. À propos de certaines maladies dans l'église. And there is going to be a mighty healing service here on Sunday. Il y aura un grand service de guérison ici le dimanche. Alléluia. Get this one here today. Retenez ceci aujourd'hui. Don't worry about your sicknesses and your diseases. Ne vous inquiétez pas de vos maladies et de vos problèmes. The sick child he told me about, I saw the child, everything else, the pastor and all these things happening here. J'ai les enfants malades, j'ai vu ça avec les autres pasteurs. And I was talking to the team about you a few days ago. Et je vous parlais à vous l'équipe il y a quelques jours. But it is well. You can sit in front here, precious. Ma sœur, vous pouvez vous mettre ici devant. There is a seat for you in the front. Is your seat before the Lord? Il y a un siège ici devant le Seigneur. You are not late. Non, vous n'êtes pas en retard. You are in good time. Vous êtes au bon moment. But when they asked him when this will happen, ils lui ont demandé quand est-ce que ces choses arriveront-elles? When he would come back, quand il reviendra, the Lord Jesus, le Seigneur Jésus, released one of the most important secrets in the Bible, a révélé l'un des secrets les plus importants de la Bible. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. If the church will catch that secret, si l'église peut saisir ce secret, she will enter into eternity with God. Elle va entrer dans l'éternité avec Dieu. Where there will be no sickness. Où il n'y aura plus de maladie. No disease. Plus de problèmes de santé. No pain. Plus de souffrance. No worries. Plus d'inquiétude. There will be eternal fellowship with God. Il y aura la communion éternelle avec Dieu. And eternal joy. Une joie éternelle. If the church will catch that. Si l'église peut saisir cela. But I said yesterday. Mais j'ai dit hier soir. That the wedding rings in the sky. Les anneaux de mariage dans les cieux. They essentially speak about the purification of the church. Veut dire la purification de l'église. That because the wedding rings are purified. Parce que les anneaux de mariage sont purifiés. Purified by the fire of the Holy Spirit. Purifié par le feu du Saint-Esprit. That yes, the church too. Bien sûr, l'église aussi. Is being spoken to by the Lord at this time. Est en train d'être adressé par le Seigneur en ce moment-ci. That just as those wedding rings are purified. Autant que ces anneaux de mariage sont purifiés. You too, you have to be purified. Vous aussi devez être purifié. And prepare a glorious wedding gown. Et préparer une robe de mariage glorieuse. For the wedding of the precious Lamb of God. Pour le mariage de le précieux agneau de Dieu. What I did not share with you yesterday. Ce que je n'ai pas partagé avec vous hier soir. Is what we are going to walk through today. Et c'est ce que nous allons parcourir ce soir. The importance of that glory of God that comes before the Messiah. L'importance de la gloire de Dieu qui vient avant le Messie. How that glory exposes sin. Comment cette gloire expose le péché. That's why when I come to you, I speak sin as it is. C'est pour ça lorsque je viens à vous, je vous parle du péché tel qu'il est. I don't cover sin. Je ne couvre pas le péché. I don't paint it white. Je le peins pas en blanc. I call it sin. Je l'appelle péché. Because the latter anointing in the church. Car l'onction de l'arrière saison. Is intended to expose sin in the church. Et a pour but d'exposer le péché dans l'église. And challenge the church into repentance. Et challenger l'église pour la repentance. Because only repentance. Seule la repentance. Will return the church to the Lord. Va ramener l'église au Seigneur. And the church is you. The Christian. Et l'église, c'est vous, les chrétiens. Yesterday, hier soir, I read from Revelation chapter 19. J'ai lu dans Apocalypse chapitre 19. When he said there is a felicitation in heaven. Il a dit il y a la félicité dans les cieux. A tremendous jubilation in the kingdom of God. Un jubilé terrible dans le royaume de Dieu. There is joy unspeakable in the house of Jehovah in heaven. Une joie inexprimable dans la maison de Jéhovah dans les cieux. When it comes to the wedding of the Lamb of God. Lorsque le mariage de l'agneau de Dieu arrive. And I said that if you looked at the calendar events in the kingdom of God, et je vous ai dit si vous regardez dans le calendrier des événements dans le royaume de Dieu, in heaven, dans les cieux, you'll find that the day of the wedding of the Lamb of God, vous allez voir que le jour de le mariage de l'agneau de Dieu, is the most important day in the kingdom of God. C'est le plus important jour dans le royaume de Dieu. You remember when the enemy, rappelez-vous lorsque l'ennemi, was thrashed down like lightning, pia, a été jeté par sur la terre. And there was a rebellion. Et il y a eu la rébellion. But then, alors, God sent his son. Dieu a envoyé son fils. To recapture again. Pour recapturer une fois de plus. Reclaim again. Réclamer une fois de plus. To liberate man. Pour libérer l'homme. In the day of the wedding of the Lamb of God. Au jour du mariage de l'agneau de Dieu. Is when the fruit of the cross, c'est lorsque les fruits de la croix, will be realized in the kingdom of God, seront accomplis dans le royaume de Dieu. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux. It is very critical. C'est vraiment critique. It is extremely critical. C'est vraiment critique. That the church will catch this. Que l'église puisse saisir ceci. The church must catch this. L'église doit saisir ceci. That the church may enter. Afin que l'église puisse entrer. And I said, et j'ai dit, in Revelation chapter 19, Apocalypse 19, when we read all the way down, lorsque nous avons lu plus loin, in verse 8, au verset 8, he said, fine linen, il dit le fin lin, bright and clean, pur et éclatant, has been given her to wear, lui a été donné pour porter. And I said, that means, et j'ai dit, cela veut dire, that when the Lord presented the wedding rings in the sky, lorsque l'Éternel a présenté les anneaux de mariage dans les cieux, he also presented a message to the church. Il a aussi présenté un message à l'église. He said, "Look, I am ready." Il dit, voyez, je suis prêt. I have prepared the rings. J'ai préparé les anneaux. How about you? Qu'est-ce qu'il en est de vous? Are you ready? Êtes-vous prêt? Have you prepared the wedding gown? Avez-vous préparé la robe de mariage? And that wedding gown. Cette robe de mariage must be fine linen, doit être de fin lin, bright and clean, pur et éclatant. Remember, fine linen stands for the holiness of the church. Souvenez-vous, le fin lin représente la sainteté de l'église. In other words, the Lord is saying, en d'autres mots, l'Éternel dit, that we have entered into the season, nous sommes entrés dans la saison, of the holiness of the Lord in the church, de la sainteté de Dieu dans l'église. We cannot maintain a casual relationship. Nous ne pouvons pas garder une relation casuelle en avec Dieu. We cannot continue living as usual with God. Nous ne pouvons pas continuer de vivre comme d'habitude avec Dieu. But time has come. Mais le temps est arrivé. When the church must now review her relationship with the Lord. L'église doit revoir sa relation avec Dieu. So she may be able to enter into the kingdom of God. Afin qu'elle puisse entrer dans le royaume de Dieu. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. I want to read from the Bible here. Je voudrais lire dans la Bible. So you may understand. Afin que vous compreniez. What the Lord is saying to the church. Ce que l'Éternel dit à l'église. And today. Et aujourd'hui. I am going to speak about the next two conversations. Je vais parler des deux prochaines conversations. And I'm going to touch today on the rapture of the dead. Et je vais parler aujourd'hui de l'enlèvement des morts. The visitation of 26th of November. La visitation du 26 novembre. The year 2006. De l'année 2006. When the Lord spoke with me about the rapture of the dead. Lorsque l'Éternel m'a parlé de l'enlèvement des morts. How the dead will be raptured, will be awakened, will be resurrected. Comment les morts seront enlevés, réveillés. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. Everything I say. Tout ce que je dis. I have seen it happening already. Je l'ai déjà vu arriver. So it for sure will come to pass. Pour sûr cela va s'accomplir. And very soon. Et alors très bientôt. And then I will move on to the clock of God in the sky. Alors ensuite je parlerai de l'horloge de Dieu dans les cieux. The visitation of May 3rd. La visitation du 3 mai. The year 2007. De l'année 2007. And if we cover that tonight, et si nous pouvons en parler ce soir, then tomorrow I'll cover the next two conversations. Alors demain je parlerai de deux autres conversations. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, bien-aimés. The book of 1 Thessalonians. Le livre de 1 Thessaloniciens. Write down these scriptures. Écrivez ces passages. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thank you. The Lord bless you. Thank you. Thank you. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens. Chapter 4, verses 16 and 17. Chapitre 4, versets 16 et 17. Again. Alors. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens. I am going to get there. I got it. Chapter 4, verses 16 and 17. Chapitre 4, versets 16 et 17. Yesterday I made it very clear here. Hier, je l'ai bien expliqué ici. That part of the reason the Lord is calling the church to maturity. L'une des raisons pour laquelle l'Éternel appelle l'Église à la maturité. Is because the mature church. Car l'Église mature. Cannot be conned. Ne peut pas être trompée. Cannot be lied to. On ne peut pas lui mentir. Cannot be deceived. Ne peut pas être déçu. She stands on the word. Elle se tient devant le monde. And I said. Et j'ai dit. Every time. Chaque fois. You can come right in front. It's for you, sir. Venez ici devant. And I said. Et j'ai dit. That every time the Lord speaks to the church. Chaque fois que l'Éternel parle à l'Église. The mature church, l'église mature, runs to the Bible, rentre vite à la Bible. Does it line up with the word of God? Est-ce que cela s'aligne-t-elle avec la parole de Dieu? If it does not, si cela ne s'aligne pas, then God Almighty has not spoken. Alors l'Éternel Dieu puissant n'a pas parlé. When it lines up, lorsque cela s'aligne, then Jehovah has spoken to the church. Alors Jehovah a parlé à l'église. That's why it's so important to get these scriptures. C'est pour cela il est important d'écrire ces passages. So nobody ever lied to you again. Afin que personne ne puisse vous mentir à nouveau. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens. Chapter 4, verses 16 and 17. Chapitre 4, versets 16 et 17. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with the Lord in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Hallelujah. Amen. Ensuite, tous nous les vivants qui serons restés, nous serons en tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. So you begin to understand the sequence of events. Vous commencez à comprendre la suite des événements. On the day of the wedding of the Lamb of God. Au jour du mariage de l'agneau de Dieu. You begin to understand the dynamics of events, the spiritual dynamics. Vous commencez à comprendre la dynamique spirituelle des événements. Of the day of the wedding of the Lamb. Au jour du mariage de l'agneau de Dieu. And you begin to appreciate. Vous allez commencer à apprécier. Why God Almighty. Pourquoi Dieu éternel puissant. The Father of our Lord Jesus. Le Père de notre Seigneur Jésus. Is involving me in this mighty conversation. M'a impliqué dans cette conversation puissante. And you see even the sequence of the conversation. Et voyez même la séquence des conversations. The presenting of John the Baptist on 2nd of April. La présentation de Jean-Baptiste le 2 avril. Speaking about the coming of the Lamb of God. Me parlant de l'arrivée de l'agneau de Dieu. The November 1st, 2006. Au 1er novembre 2006, the wedding rings in the sky. Les anneaux de mariage dans les cieux. And I said they are spiritual wedding rings. Et j'ai dit ce sont des anneaux spirituels. Telling the church you too have to be spiritual. Demandant à l'église vous aussi devez être spirituel. You cannot walk anymore in the flesh and blood. Vous ne pouvez plus marcher dans la chair et dans le sang. You must transform into the spiritual. Vous devez vous transformer dans le spirituel. The importance of the latter glory, the latter anointing of God in the church. L'importance de l'onction de l'arrière saison de Dieu dans l'église. Transform the church pour transformer l'église into a spiritual being, en des êtres spirituels. Because this wedding with Christ is equal yoking. Car le mariage avec Christ est un mariage égal. If Christ is the spirit-filled man, si Christ est l'homme est rempli d'esprit, you too have to be spirit-filled. Vous aussi devez être rempli d'esprit. Because in 2 Corinthians chapter 6, en 2 Corinthiens chapitre 6, 14 to 18. 14 à 18. He said, il dit, what fellowship can there be between darkness and light? Quelle relation peut-il être entre les ténèbres et la lumière? He said, what relationship and fellowship? Quelle relation communion can there be between the house of God and idols? Entre la maison de Dieu et les idoles. That means there will be the need for God Almighty. Cela veut dire il y a le besoin du Dieu Tout-Puissant to come and remove this golden calf in the church. De venir et d'ôter l'agneau en dehors dans l'église. That has been adorned the calf of prosperity. Qui a été adoré l'agneau de prospérité. Kneeling down worshiping prosperity. S'agenouillant adorant la prospérité. He is a jealous God. C'est un Dieu jaloux. He would have to take it away first. Il devra d'abord ôter cela d'abord. That the temple of God, afin que le temple de Dieu, that is your heart, qui est ton cœur, may be restored from idol worship, qui puisse être restauré de l'idolâtrie, and then everything else will be added unto you. Don't worry about that. Alors tout seul autre chose sera ajouté à cela. So God is telling the church, Dieu dit à l'église, the time has come, le temps est arrivé, to be purified, d'être purifié. But you see the next conversation, voyez la prochaine conversation, after the wedding rings, après les anneaux de mariage, then November 26th, alors 26 novembre, 2006, au 2006, again November 26th, 26 novembre 2006, de l'année 2006, at 5 a.m. in the morning, à 5 heures du matin, when finally he shows me, il me montre alors en ce moment-là, how they are asleep in the dust of the earth, comment ils sont en train de dormir dans la poussière de la terre, will be raptured, ils seront enlevés, and I will give you revelation today, et je veux partager la révélation aujourd'hui, what is God telling the church in that conversation. Qu'est-ce que Dieu dit à l'église dans cette conversation là? God does not show movies. Dieu ne montre pas des films. He does not have time to show comedies. Dieu n'a pas le temps de montrer des comédies. He has no time but to prepare for the wedding of the lamb. Il n'a que le temps pour préparer pour le mariage de l'agneau. So when he's showing it to me, lorsqu'il le montre à moi, and speaking by voice about it, et me parlant de sa voix de cela, there is a message of gravity for the church. Il y a un message de gravité pour l'église. And the church needs to catch this. Et l'église doit saisir ceci. So she can be in step with the Holy Spirit. Afin d'être en synchronisation avec le Saint-Esprit. And now we see in 1 Thessalonians chapter 4. Nous voyons en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verses 16 and 17, versets 16 et 17, that on that day, en ce jour-là, there will be the mighty trumpet of God. Il y aura une puissante trompette de Dieu. And then the voice of the archangel. Alors la voix de l'archange. Let me surprise the Church of Christ in Canada. Laissez-moi surprendre l'église de Christ au Canada. I have heard the voice of the archangel. J'ai entendu la voix de l'archange. I even know every word he will say on that day. Et je connais toutes les paroles qu'il va prononcer en ce jour-là. It is not even a secret anymore. Ce n'est plus un secret. Because I have published it. Car je l'ai déjà publié. And we are trying to raise our website again. We are updating the website. Nous sommes en train de mettre notre site internet à jour. That everybody may now know. Afin que tout le monde puisse savoir. That time is over. Que le temps est fini. But you see very clearly there. Alors, mais voyez là très clairement. That there will be the trumpet of God. Qu'il y aura la trompette de Dieu. And then the voice of the archangel. Alors la voix de l'archange. And then the dead in Christ Jesus. Alors les morts en Christ Jésus. They sleep in the dust of the earth. Qui sont en train de dormir dans la poussière de la terre. Will be the first. Seront les premiers. To rise, to resurrect. D'être ressuscité. And they will be caught up with the Lord in the sky. Et seront enlevés avec le Seigneur dans les nuées. Let me share this vision with you. Laissez-moi partager cette vision avec vous. On that 26th of November, en ce 26 novembre 2006, de l'année 2006, at 5 a.m., à 5 heures du matin, we were doing a big repentance meeting between two nations, Tanzania and Kenya. Nous avions une grande réunion de repentance entre la Tanzanie et le Kenya, in a town called Kehancha. Dans une ville qui s'appelle Kehancha. So two nations come together. There's a big revival going on down there. Il y a un grand réveil qui se passe là-bas, deux nations ensemble. Pastors come in hundreds from another country like that, and there's a big revival happening down there. Il y a des pasteurs, des centaines qui viennent de part et d'autre. Even here there will be revival. Et même ici il y aura un réveil. The same God is the God you worship. Le même Dieu est celui que vous adorez. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. The God of our Lord Jesus. Le Père de notre Seigneur Jésus. And I love the humble way the Lord has begun. Et j'aime comment les faibles commencements que Dieu a ici. The ways of God have never ceased to stun me and shock me. Les voies du Seigneur n'ont jamais cessé de m'étonner. That you are now the vessel he will use for Canada. Vous êtes les vases qu'il va utiliser pour le Canada. Hallelujah. But listen to me. Mais écoutez-moi. In that vision he lifted me up. Dans cette vision il m'a élevé. Off the earth. De la terre. And I could see the earth. Et je pouvais voir la terre. And then I thought that an earthquake hit the earth. Et j'ai pensé qu'un tremblement de terre avait secoué la terre. Because I saw a lot of shaking of the surface of the earth. J'ai vu beaucoup de tremblements sur la surface de la terre. And there was a lot of soil particles jumping from the surface and dust was poof coming out of the surface of the earth. Et je voyais des bouts de terre se lever et la poussière monter de la surface de la terre. But when I looked at it, mais lorsque j'ai regardé cela, then the voice of the Lord said, alors la voix de l'Éternel a dit, look and see, regarde et vois, how many of them sleep in the dust of the earth. Combien sont couchés dans les poussières de la terre, are caught up in the rapture of the church. Sont enlevés dans l'enlèvement de l'église. And then at that time, et en ce moment-là, I saw a lot of dust. J'ai vu beaucoup de poussière. But inside the dust, mais à l'intérieur de la poussière, it was mixed with the glory of God. C'était mélangé avec la gloire de Dieu. Follow this very carefully, somebody. Suivez-moi très attentivement. I saw now dust mixed with the glory of God. J'ai vu la poussière mélangée avec la gloire de Dieu. And then I saw the tombs open. J'ai vu les tombeaux ouverts. That is what I thought were the earthquakes. C'est à ce moment-là que j'ai cru que c'était le tremblement. And I saw people in their glorious bodies being pulled out of their tombs. J'ai vu les gens de leur corps glorieux sortir de leur tombeau. But the more they moved away from the earth, le plus qu'ils quittaient la terre, the more they entered into the pure glory of God. Et de plus ils sont entrés dans la gloire pure de Dieu. And then they were caught up and heaven opened and I saw them enter into the kingdom of God. Et j'ai vu qu'ils étaient enlevés et entrés dans les cieux qui étaient ouverts. And then after that, après cela, he said, go tell these people, il dit, va dire à ces gens, to repent and prepare for the coming of the Lord. De se repentir et de se préparer pour le retour du Seigneur. I want to begin from there tonight. Je voudrais commencer par là ce soir. What is the Lord speaking to the church? Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'église? And you can see the sequence of conversation he's having with me. Vous voyez la séquence des conversations qu'il a avec moi. There is a very deliberate message. Il y a un message délibéré. After then, the wedding rings, the rapture of the dead, the clock. Après cela, les anneaux, l'horloge, et puis ce qui vient. Listen to me, somebody. Écoutez-moi bien. There is nothing. Il n'y a rien. He speaks about you don't find in the word. Dont il parle que vous ne trouvez dans la parole. And today I want to walk with you very slowly. Et je voudrais marcher avec vous très lentement. That you may understand the message embedded in that conversation. De pouvoir comprendre le message caché dans cette conversation. Write down the scriptures because I am praying to come back to Canada. But I know that we have many other nations waiting for this message. Je voudrais rentrer au Canada, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres nations qui attendent ce message aussi. So I may not come back. Je pourrais ne pas revenir. So write down, this is the day. Alors écrivez car c'est le jour. And this kind of message empowers the church. Ce genre de message fortifie l'église. Validates the church. Donne la valeur à l'église. Upgrades the church. Mets à jour l'église. That the church may walk in step with the Holy Spirit. Afin que l'église marche en harmonie avec le Saint-Esprit. This message empowers you to go and evangelize it to other churches. Ce message vous donne la force d'aller évangéliser à d'autres églises. You cannot eat this and sit. Vous ne pouvez pas manger ce message et asseoir. Now listen to me, somebody. Alors écoutez-moi maintenant. Turn with me now. Tournez avec moi maintenant. To the book of Daniel. Dans le livre de Daniel. Chapter 12. Chapitre 12. Daniel chapter 12. Daniel chapitre 12. Precious people. Précieux bien-aimés. I'll read only two verses there to begin with. Je lirai deux versets pour commencer. Then we'll come back there. Et nous rentrerons là-bas. So you may understand what the Lord is saying to the church. Afin de comprendre ce que l'Éternel dit à l'église. I am reading now. Je vais lire. Daniel 12 verses 2 to 3. Daniel 12 verset 3 à 2. He says, multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Daniel chapter 12 verse 2. 12 verse 2. I'm not used to it. Thank you so much as well. Daniel is towards the end before you hit, is it after Ezekiel? Yes. After Ezekiel. What a wonderful translator we have. We bless the Lord. Amen. We bless the Lord so much. Because through his voice, millions who are French speaking can now receive the same message. Amen. We bless the Lord so much. Hallelujah. Daniel chapter 12 verses 2 to 3. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Some to everlasting life and others to shame and everlasting contempt. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verse 3. Verset 3. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many into righteousness like the stars forever and ever. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. So what is the Lord speaking to the Church of Christ in Canada? Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église de Christ au Canada? The Church of Christ in the four ends of the earth. L'Église de Christ aux quatre coins du monde. When on the 26th of November, au 26 novembre, the year 2006, de l'année 2006, when he showed me how the dead are going to rapture from their tombs into the kingdom of God. Lorsqu'il m'a montré comment les morts seront ressuscités de leur tombeau et être enlevés. Try to write where you can. Essayez d'écrire autant que vous pouvez. Now listen to me, precious people. Alors maintenant écoutez-moi bien-aimé. It amazed me. Cela m'a émerveillé. That was the same conversation that he had with Daniel, the prophet of the Lord. C'est la même conversation qu'il a eu avec Daniel, le prophète de l'Éternel. And we know now that Daniel is an end-time prophet. Et nous savons que Daniel est le prophète des temps de la fin. And he was prophesying from the east. Et il prophétisait à partir de l'est. But he was seeing what was coming to happen now in the end time. Il voyait ce qui allait se passer maintenant à la fin des temps. And he says there. Et il dit là-bas. That there would be the waking up, the rapturing of those who are sleeping in the dust of the earth. Il dit les morts seront ressuscités qui dorment dans la poussière de la terre. Remember when Daniel, hallelujah, when Lazarus died. Rappelez-vous lorsque Lazare est mort. He said he has not died but he is asleep. Il a dit il n'est pas mort mais il est endormi. So according to the Lord. Selon le Seigneur. They are not dead. Ils ne sont pas morts. They are just asleep. Ils sont endormis seulement. And when they are asleep. Lorsqu'ils sont endormis, on the day of the wedding of the Lamb of God, au jour du mariage de l'agneau de Dieu, the holy ones, les saints, those by the time they died, they were walking in holiness. Ceux au moment de leur mort qui marchaient dans la sainteté, they will be awakened. Ils seront réveillés. And he says, et il dit, some to everlasting life, d'autres pour la vie éternelle. And others to shame and everlasting damnation. Et il a dit d'autres pour la honte perpétuelle. Everlasting condemnation. À la condamnation perpétuelle. But listen to this. Mais écoutez ceci. He says. Il dit. Those who are wise. Ceux qui sont sages. Let me share with you something here. Permettez-moi de partager avec vous ici. Follow this very carefully. Don't be confused here. Suivez-moi calmement. When the Lord showed me. Lorsque le Seigneur m'a montré. He actually showed me. Il m'a montré the fraction, la division, of those that were woken up and raptured, de ceux qui étaient ressuscités et enlevés. And the way Daniel speaks, et ce que Daniel dit, Daniel had seen the first and the second resurrection. Il a vu la première et la deuxième résurrection. He saw those who were raptured into heaven. Il a dit ceux qui sont enlevés dans les cieux. But he also saw those 1,007 years who appeared for judgment. Et il a dit pendant 1,007 ans qui sont apparus pour le jugement. During the millennial judgment. Au moment du millénium. During the final judgment. Au moment du dernier jugement. Listen to me, somebody here. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Because of the dispensation. À cause de la dispensation. Because of the proximity of time. À cause de la proximité du temps. Because of the change of season. À cause du changement de saison. Because of the nearness of the wedding of the Lamb of God. Because de l'approche du mariage de l'agneau de Dieu. He is now able to show me those who are asleep will be waken up for rapture. Il était capable de montrer ceux qui sont endormis enlevés pour l'enlèvement. But now listen to this. Mais écoutez maintenant. Among those that are raptured, parmi ceux qui sont enlevés, there are two groups. Il y a deux groupes. He says. Il dit. Those who are wise, ceux qui sont intelligents. Again, I repeat. Those who are wise with wisdom, ceux qui ont la sagesse. They will shine, ils vont briller, like the brightness of the heavens, comme la clarté des cieux. That is where the secret is for the church. C'est là où le secret se trouve pour l'église. That those that will be wise, ceux qui seront intelligents, and they will shine like the brightness of the heavens, ils vont briller comme la clarté des cieux. And he goes ahead to say, il dit, je dois dire, but those who lead many into the holiness of God, into the righteousness of God, they will shine like the stars forever and ever. Il a dit ceux qui ont conduit les gens dans la justice, dans la sainteté de Dieu, vont briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Those who lead many into the holiness of God, ceux qui ont conduit beaucoup dans la sainteté de Dieu, the righteousness of the Lord, la justice de Dieu, they will shine brighter than the heaven like the stars forever and ever. Ils vont briller comme les étoiles pour toujours. What is the message there? Quel est le message là? Turn with me to Proverbs. Allez avec moi dans Proverbes. Let's go first to Job, the book of Job. Allons d'abord dans Job. Chapter 28, verse 28. Chapitre 28. Again, Job, and then we'll go also to Proverbs. Nous allons à Job et puis après Proverbes. Yeah, let me find Job. I will get it. Job 28, verse 28. Job 28, verset 28. Let me get it. Listen to this. Écoutez ceci. He says. Il dit. And he said to man, the fear of the Lord, that is wisdom. And to shun evil is understanding. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Proverbs chapter 1 verse 7, somebody. Proverbe chapitre 1 verset 7. The truth has to be preached now. La vérité doit être prêchée maintenant. This is the moment of truth in the house of the Lord. Ceci est le moment de vérité dans la maison de l'Éternel. The book of Proverbs chapter 1 verse 7, somebody. Proverbe 1 verset 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Listen to me, precious people of God. Écoutez-moi bien, bien-aimés de Dieu. Listen to the message to the church. Écoutez le message pour l'église. The Lord was otherwise saying to the church. L'Éternel disait à l'église. That time has now come. Le temps est maintenant arrivé. For the church to be wise. Pour l'église d'être intelligente. In other words, he is saying. Et en d'autres mots, il dit. I have looked at you, church, for many years. J'ai vous regardé à vous, église, pendant plusieurs années. I have not seen that you are wise. Je n'ai pas vu que vous étiez sage. Because. Pour parce que. He says the fear of the Lord. La crainte de l'Éternel. Is the beginning of all wisdom. Le commencement de toute sagesse. In other words, the Lord is telling the church. En d'autres mots, l'Éternel dit à l'église. It is time to return to the fear of the Lord. C'est le temps de rentrer à la crainte de l'Éternel. That means for many years. Cela dit pour plusieurs années. The church has not walked in the fear of God. L'église n'a pas marché dans la crainte de l'Éternel. You have been Christians on Sunday. Vous êtes des chrétiens le dimanche. But on Monday you are not a Christian. Mais le lundi vous n'êtes pas des chrétiens. As if God went to sleep. C'est comme si Dieu est allé dormir. As if God cannot see you at your workplace. Comme si Dieu ne peut pas te voir à ton travail. And you lived another life. Tu mènes une autre vie. That means you did not fear God. Cela tu n'as pas But he's saying time has arrived. Il dit le temps est arrivé. Time has now come. Le temps est maintenant arrivé. When the church must return to the fear of God. Que l'église doit rentrer à la crainte de Dieu. That is wisdom. C'est ça la sagesse. That is the church. C'est ça l'église. That Daniel saw. Que Daniel a vu. That were able to be raptured. Qui étaient capables d'être enlevés. Because they had glorious bodies. Car ils avaient un corps glorieux. Like the brightness of heaven. Comme l'éclair de cieux. It is as though God is asking the church. C'est comme si Dieu demandait à l'église. Have you lived in the fear of the Lord? Avez-vous vécu dans la crainte de l'Éternel? Since you became Christian. Depuis que vous êtes chrétien. Since you became born again. Depuis que vous êtes né de nouveau. Have you lived in the fear of the Lord? Avez-vous vécu dans la crainte de Dieu? But why would God ask the church such a question? Pourquoi Dieu poserait-il à l'église une telle question? Unless the church has fallen. À moins que l'église ne soit tombée. That's why you come to Toronto. C'est pour ça que vous venez à Toronto. Hallelujah. Let me share from Nairobi first. Permettez-moi de partager de Nairobi d'abord. Start from Nairobi. On commence à Nairobi. In Nairobi. À Nairobi. You can walk through the streets of town. Vous pouvez marcher dans les rues de la ville. Without seeing even one Christian. Sans voir même un chrétien. A country that says there are more than 70% Christians. Alors que dans le pays il y a plus de 70% de chrétiens. You walk in the streets, you don't see one Christian. Vous marchez dans les rues, vous ne voyez pas un chrétien. The Muslim you will see. Les musulmans, vous les voyez. The Hindu you will see. Les hindous, vous les voyez. How will you know they are Hindus? Comment vous savez qu'ils sont des hindous? Or Muslims. Ou des musulmans. They will dress holy. Ils vont s'habiller saintement. While they worship their idol God. Pendant qu'ils adorent leurs idoles. But the Christian, mais les chrétiens, you may have to, are you Christian? Are you? You have to ask. Vous devez demander. Vous êtes chrétien? They are mixed with the heathen. Ils sont mélangés avec les cachés. Walking like the heathen. Marchant comme ceux qui sont des. Living like the heathen. Marchant comme les enfants. Speaking like the heathen. Marchant comme le monde. They speak like the world. Ils parlent comme le monde. Live like the world. Ils marchent comme le monde. And that's why God is justified. C'est pour cela Dieu est justifié. God is allowed to ask. Dieu peut se demander. He has the authority, he has the reason to ask. Il a une raison et l'autorité de demander. Because when you look, quand vous regardez, there is no fear of God. Il y a aucune crainte de Dieu. Only on Sunday they remember to go to church. Seulement le dimanche ils se rappellent d'aller à l'église. But even on Sunday, même le dimanche, they come in a defiled form. Ils viennent de manière souillée. They dress anyhow. Ils s'habillent n'importe comment. It made me ask the women in Kenya. Cela m'a fait demander aux femmes au Kenya. I went on radio. Je suis allé à la radio. And I asked them. Et je leur ai demandé. Every time you dress to come to church. Chaque fois vous vous habillez pour venir à l'église. Whom do you dress for? Pour qui vous habillez-vous? Every time you dress to go to work. Pour chaque fois vous habillez pour aller au travail. Standing before that mirror every day. Vous mettant devant le miroir chaque jour. Whom are you dressing for? Pour qui habillez-vous? Are you dressing for the Lord? Vous habillez-vous pour le Seigneur? I could not see a Christian. Je ne pouvais pas voir un chrétien. And on Sunday. Et le dimanche. The church is full. L'église est remplie. That's why the Lord is asking. C'est pour ça le Seigneur demande. Ever since you received the Lord Jesus. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus. Have you walked in the wisdom of God? As-tu marché dans la sagesse de Dieu? That is the most critical end time question he's asking. C'est la question la plus critique qu'il demande en ce temps de la fin. That means he's calling the church to a review of herself. Cela, il appelle l'église à se revoir sur elle-même. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. There is another group. Il y a un autre groupe. He says, but those who lead many into the holiness of God. Il a dit ceux qui ont mené plusieurs dans la sainteté de Dieu. They will shine like the stars. Ils vont briller comme les étoiles. Forever and ever. Pour toujours et à perpétuité. Listen to this somebody. Écoutez-moi bien. When there is even in the day. Même à la, pendant le jour. When you look at the sky, it is bright. Vous voyez le jour, c'est très clair. The heavens are bright. Les cieux sont clairs. But if there is a star, mais s'il y a une étoile, it will always shoot out. Il va toujours se faire voir. And so the Lord is telling the church, l'Éternel dit à l'église, it is not enough, ce n'est pas assez, to receive Jesus, de recevoir Jésus, and sit here, et s'asseoir là, and start eating the word all the time, et mangeant la parole tout le eating, temps, eating, eating for years, mangeant pendant des années, and yet you are not growing, et cependant tu ne grandis pas, and you are not leading many people to Jesus of Nazareth, et cependant tu n'amènes pas beaucoup à Jésus-Christ de Nazareth. He said, I have seen you church. Il a dit, je t'ai vu église. For many years. Pendant plusieurs années. But I am sorry to say. Mais je suis désolé de dire. That you are perpetually infant. Tu es perpétuellement enfant. You are sitting there eating, eating from the pastor every time. Tu es là assis mangeant, mangeant du pasteur chaque fois. The Lord is saying. L'Éternel a dit. If you sit there and eat. Si tu te mets là et manges. And live in the fear of God. Et marche dans la crainte de Dieu. You'll shine like the brightness of heaven. Tu vas briller comme les clartés des cieux. But if you step out. Mais si tu sors. And start evangelizing your workplace. Et tu commences à évangéliser ton lieu de travail. Evangelizing the subway. Évangéliser dans les subways. They might abuse you there. Ils vont peut-être vous insulter là-bas. It does not matter. Cela importe peu. I have preached in the streets. J'ai prêché dans les rues. I miss going back to the streets. Il me manque des fois d'aller dans les rues. Standing in the bus stop and telling them about Jesus of Nazareth. Arrêter dans l'arrêt de bus et parler de Jésus-Christ de Nazareth. I used to stand in the gate to the market. Je m'arrêtais, j'ouvrais à la porte du marché. Prophesying the first Asian tsunami. Et j'ai prophétisé le premier tsunami asiatique. That the Lord spoke with me 1 month before it happened. 24th of November 2004. Au 24 novembre 2004. Standing by the market gate. J'étais aux portes du marché. Some people spit at you. Certains me crachaient dessus. Some people say you are making noise here. D'autres me disaient tu fais du bruit là. Some people say, move near my shop, send far away. Il me dit, quitte de mon magasin, va un peu plus loin. But the Lord is saying, mais l'Éternel a dit, time has come. Le temps est arrivé. When you cannot continue sitting in the church and just eating and not using that word at your workplace, in the subway, everywhere, converting people to the Lord. L'Éternel dit, le temps est arrivé, tu ne peux plus seulement manger et ne rien faire sans convertir les gens au Seigneur. That is the end time evangelism. Ça c'est l'évangélisation de la temps de la fin. That God is announcing in this vision here. Que Dieu est en train de monter dans cette vision. He says, il dit, when you lead many into the righteousness of the Lord, si tu conduis plusieurs dans la sainteté et la justice de Dieu, you will shine even brighter than the heavens. Tu brilleras plus clair que les cieux. In other words, the Lord is talking about the judgment seat of Christ. Il parle du siège de jugement de Christ. The judgment seat of Christ. Le siège du jugement de Christ. The raptured church. L'église qui sera enlevée. Must present herself. Doit se présenter. Before the Messiah. Devant le Messie. Before the white throne of judgment. Devant le trône blanc de jugement. And she must explain. Et elle doit expliquer. Everything she ever thought. Toutes les choses qu'elle a enseignées. She ever did. Les choses qu'elle a faites. Even the schemes of her heart. Ou les plans de son cœur. This is what the Lord is speaking to the church. C'est ce que l'Éternel dit à l'église. He's saying there is a responsibility even among those who are raptured. Il dit il y a une responsabilité même parmi ceux qui sont enlevés. Let us strive for the highest prize. Cherchons à gagner le plus grand prix. You cannot even say I am ready for rapture, I am now comfortable. Tu peux pas dire je suis prêt pour l'enlèvement, je suis à l'aise. In other words, the Lord is asking the church. En d'autres mots, l'Éternel demande à l'église. And listen to this very carefully. Écoutez ceci attentivement. He is asking the church. Il demande à l'église. Ever since you received the Lord, depuis que tu as reçu le Seigneur, have you led people to the righteousness of God? As-tu conduit d'autres personnes à la justice de Dieu? Remember when you are taught here. Souvenez-vous de ce qu'on vous enseignait ici. Every Sunday, chaque dimanche, you are being empowered. On vous a donné la force. Because we were told, on nous a enseigné, to win the nations to Jesus. De gagner les nations pour Jésus. But listen to this. Mais écoutez ceci. It is as if, c'était comme si, the Lord looked at the church, le Seigneur regardait l'église, and found out, et il a trouvé, that actually, réellement, instead of leading the people, au lieu de conduire les gens, into the righteousness of the Jesus of Nazareth, dans la justice de Jésus de Nazareth, into the holiness of the Messiah, dans la sainteté du Messie, the church, l'église, has actually led people away from the Messiah, a actuellement éloigné les gens loin du Messie. That is the only reason. C'est la seule raison. Why the Lord can ask the church. Pour laquelle le Seigneur peut demander l'église. Have you led people into the holiness of God? As-tu amené des gens à la sainteté de Dieu? The calling to be a Christian. L'appel d'être chrétien. Has never been so high. N'a pas été aussi grand. Now it is so high. Maintenant il est tellement grand. There's a lot at stake. Il y a beaucoup de choses en jeu. When you walk out there, lorsque vous marchez dehors, you are the ambassador of Christ. Vous êtes un ambassadeur de Christ. When you come to an embassy and you meet the ambassador, lorsque vous allez à une ambassade, vous rencontrez l'ambassadeur. You can get the mirror image of the king of that country. Vous devez voir l'image du roi de ce pays-là. That means when the world looks at the church, ça veut dire que le monde regarde l'église, the world should be able to see the Jesus of Nazareth in that Christian. Le monde devrait voir l'église de Jésus-Christ au travers de ce chrétien. But the question to you is this. Mais la question qui vous est posée est la suivante. Has the world, est-ce que le monde, seen the holiness of the Lord, vu la sainteté du Seigneur, in you, au travers de vous? Christians, chrétiens, have compromised their work, ont compromis l'œuvre. Idol worshippers like Muslims, les adorateurs d'idoles comme les musulmans, they have walked more strict to their idol gods, ils sont beaucoup plus stricts à leur dieu idole, than the Christians who worship Jehovah, the God of Israel. Que les chrétiens qui adorent Jéhovah, le Dieu d'Israël. Even the preaching, by the way, the preachers. Même les prédicateurs. Many preachers have even gone on global TV. ils sont allés à la télévision globale mondiale. I'm talking about global, global TV. Je parle de la télévision mondiale. And presented some tricks. Et ils ont montré des stratégies. If you want to be healed, put 10,000 here. Si tu veux être guéri, mets 10,000 ici. And when they preach, they put credit card in under the screen. Et quand ils prêchent, ils mettent le numéro de carte de crédit en bas là. We even receive credit cards, major credit cards. Nous recevons même les paiements des grandes cartes de crédit. You can make your payments in so many credit cards. Tu peux mettre faire des paiements à travers n'importe quelle carte de crédit. The church, l'église, has commercialized the gospel. A commercialisé l'évangile. They have even said if you want to read the book of Matthew chapter 5 verse 20. Or Matthew chapter 50 verse, oh wait, there's no such a thing. Matthew chapter, let's say chapter 20 verse 6. Disons, ils voulaient lire Matthieu 20 verset 6. They have even used that. Ils ont même utilisé ça. To say that sow a seed of $20.6. Au lieu de, il faut semer une semence de $20.60. If it's the book of Isaiah 66 verse 1. Si c'est par exemple Esaïe 66 verset 1. They have said that means you need to sow a seed of $66.10. Et cela veut dire that is the miracle magic number. C'est le numéro magique. Il faut semer $66.10, le numéro magique. But the world has watched that. Mais le monde a regardé ces choses. So instead of leading the world to Jesus, they have led them away. Au lieu de conduire le monde à Jésus, ils les ont éloignés. And then even the other religions, même les autres religions, they have said, ils ont dit, if that is the God, ça, si c'est le Dieu, you want me to go to, que vous voulez que je suive, I don't want, je n'irai pas. And they're right, et ils ont raison, because you have presented a defiled image of Christ, vous présentez une image souillée de Christ, and that's why God is asking, c'est pour ça que Dieu demande. He says, il dit, for those who lead many into the righteousness of God, pour ceux qui ont conduit dans la justice de Dieu, they will shine like the brightness of the stars forever and ever. Ils vont briller comme les étoiles à toujours et perpétuité. In other words, he's asking the church, en d'autres mots, il demande à l'église, in your work, dans ton travail, in your Christian life, dans ta vie chrétienne, have you led people into the holiness of God? As-tu conduit des gens dans la sainteté de Dieu? Or you have led them away from God? Ou tu les as éloignés de Dieu? There are abortions in the church. Il y a des avortements dans l'église. The world has gotten to know about it. Le monde l'a appris. The church, l'église, has even come become a place, est devenu un endroit, where men go to meet women, vont pour rencontrer les hommes rencontrent des femmes, and they speak about it out there, et ils en parlent à l'extérieur, and the other religions hear about it, les autres religions en entendent parler, the unborn again in the world hear about it, même ceux qui sont pas nés de nouveau entendent cela. That men go to find women in church. Que les hommes vont trouver les femmes dans l'église. Even worse. Et même pire encore. Men go to find men in church. Que les hommes vont trouver des hommes dans l'église. And women go to find women in church. Que les femmes vont trouver des femmes dans l'église. In some capitals of Europe. Dans certaines capitales de l'Europe. They even write on a big billboard. Ils écrivent sur un gros panneau. This is a gay friendly church. C'est une église qui est amie aux homosexuels. Has the church led people to the Jesus of Nazareth or away? Est-ce que l'église a conduit les gens à Jésus de Nazareth ou les a éloignés? Has the church been the mirror of Christ? Est-ce que l'église a été le miroir de Christ? With all that happening in church, avec tout ce qui arrive dans l'église, has the church led the world to the holiness of Christ? Est-ce que l'église a amené le peuple dans la sainteté de Christ? At times they preach. Comment ils prêchent? Short miniskirts at the altar, the global TV. Ils portent une mini-jupe sur l'autel, sur la télévision mondiale. There is a woman somewhere. Il y a une femme quelque part. She's in an Islamic family. Elle vient d'une famille musulmane. Being persecuted. Elle a été persécutée. There is one you had in Kenya, a vet doctor, right? N'est-ce pas au Kenya? Pastor Mudoni. There is one, you remember your friend Surita? Dr. Surita? Votre ami, Dr. Surita? In a Hindu family. Qui vient d'une famille hindoue. Wonderful vet doctor. Une docteur merveilleuse. But she received the Lord. Mais elle a reçu le Seigneur. So she used to cook and put food for the family. Elle préparait et faisait la nourriture pour la famille. And with a small New Testament in her pocket, avec une petite Nouveau Testament dans sa poche, when they are eating, she runs to the bathroom, close herself in the toilet, start reading the New Testament. Pendant que les autres mangeaient, elle allait s'enfermer dans la toilette pour lire le Nouveau Testament. There is another one in an Islamic family in the Middle East or wherever. Il y a une autre d'une famille musulmane dans le Moyen-Orient. And the only time is when people have slept. Le seul moment c'est quand tout le monde dort. Then she turns on Christian television. Alors elle peut regarder la télévision chrétienne. With the hope of getting green pasture. Et de, en espérant avoir de l'herbe fraîche. Secretly. En secret. So she may grow. She has fallen in love with the Jesus of Nazareth. Elle est tombée en amour avec Jésus-Christ de Nazareth. But what she finds there. Mais ce qu'elle trouve là-bas. Has it led her to the holiness of God? L'a-t-elle conduit à la sainteté de Dieu? Or it has shocked her. Ou bien elle s'est choquée. Until she has even wondered, have I made the right choice? Ou même se demandant, est-ce que j'ai fait le bon choix? Daniel saw. Daniel a vu. Those who were wise. Ceux qui étaient sages. Living in the fear of God. Marchant dans la crainte de Dieu. They were shining like the brightness of the heavens. Ils brillaient comme la clarté des cieux. But those who led many into the righteousness of God. Mais ceux qui ont conduit dans la sainteté de Dieu. They were even more brighter like the stars forever and ever. Ils étaient plus brillants que les étoiles pour l'éternité et à toujours. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimé. The Lord is saying. L'Éternel dit. Number one, beware that there is the presenting of yourself before the white throne of judgment, even after rapture. Il dit, faites attention de votre présentation devant le trône de jugement après l'enlèvement. He's also saying, il dit aussi, it is not enough to live in the fear of God. Ce n'est pas assez dans le marché de la crainte de Dieu. But he's saying, right now, there is no fear of God in the church. Il dit, maintenant, il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église. But when you get there, lorsque vous arrivez là-bas, and start living in the fear of God, commencez à marcher dans la crainte de Dieu. It is not yet enough. Ce n'est pas encore assez. You have to go and evangelize. Tu dois aller et évangéliser. And lead them to the holiness of God. Et les conduire dans la sainteté de Dieu. And harvest the perishing world. Et ramasser les âmes qui périssent. So there can be a grand harvest. Afin qu'il y ait une grande moisson. Now in Kenya. Maintenant au Kenya. And around that region, et autour de la région du Kenya, we are overwhelmed. Nous sommes submergés. In one meeting, dans une réunion, you see about 2 million people plus. Vous voyez une place de plus de 2 millions receiving the Jesus of Nazareth. Recevant Jésus de Nazareth. And it makes you fear. Cela te fait peur. You tremble. Tu trembles. Because you begin to understand. Parce que tu commences à comprendre. That the end time harvest, le temps, la moisson de temps de la fin, was bigger than we thought, était plus grande que nous l'avons pensé. Because each one of those, car chacun de ces gens, has to be taught the word of God. On doit lui enseigner la parole de Dieu. Each one of those, chacun de ces gens, has to be baptized in complete immersion. Doit être baptisé de immersion complète. Last time I did a baptism, la dernière fois j'ai fait un baptême. Of more than 10,000 people. De plus de 10 000 personnes. I was in the water for 3 days. J'étais dans l'eau pendant 3 jours. Everything happened in that water. Toute chose est arrivée dans ces eaux. HIV AIDS remained in that water. Le sida est resté dans ces eaux-là. Cancers dried in that water. Le cancer a séché dans ces eaux-là. And they went to their doctors. Et ils sont allés voir leur docteur. But now we are planning another baptism. Maintenant nous sommes en train de planifier notre baptême. More than 500,000 people. Plus de 1,5 million de personnes. The end time harvest. La moisson de temps la fin. Is the responsibility of everybody. C'est la responsabilité de tout le monde. It is bigger than we thought. C'est plus grand que nous l'avions pensé. That's why he's saying, you two, after you have been taught, go out and win souls. Il a dit après que vous avez été enseigné, sortez et allez gagner des âmes. You can even win souls by just the way you walk as a Christian. Tu peux gagner des âmes juste par la manière que tu marches en tant que chrétien. The world is suffering. Le monde souffre. They're looking for solutions now. Ils cherchent des solutions maintenant. If they see that you are walking healthy, si ils voient que tu marches en bonne santé, you are full of joy unspeakable. Tu es rempli de joie incommensurable. You are walking holy. Tu marches saint. HIV/AIDS cannot touch you. Le sida ne peut pas te toucher. There is no cancer in your blood. Il n'y a pas de cancer dans ton sang. They will want your God. Ils vont chercher ton Dieu. The world is suffering now. Ils veulent arrêter la souffrance maintenant. The world is in pain. Le monde souffre maintenant. Be careful the way you walk. Fais attention comment tu marches. Let us move to another level. Allons dans une autre dimension. Isaiah 26. Esaïe 26. Hallelujah. So the Lord said a very important word to the church. Le Seigneur a envoyé une parole très importante pour l'église. On that November 26th. En ce novembre, 26 novembre 2006. De l'année 2006. When he presented the rapture of the dead. Lorsqu'il a présenté l'enlèvement des morts. He said time has come. Il dit le temps est arrivé. For the church to return to the fear of the Lord. Pour l'église retourner à la crainte de l'Éternel. Let me tell you, when you walk in the fear of the Lord. Laissez-moi vous dire, lorsque vous marchez dans la crainte de l'Éternel, you'll be very careful everything you do. Tu feras très attention à tout ce que tu fais. Very carefully. Très attention. You cannot now fool around. Tu ne peux plus jouer n'importe comment. He's saying it's time to restore the fear of the Lord. Il est dit, il est temps de restaurer la crainte de l'Éternel. Because the Holy Ghost wants to visit the church. Car le Saint-Esprit voudrait visiter l'église. The Holy Ghost will only visit a church that has the fear of the Lord. Le Saint-Esprit ne visera que l'église qui a la crainte de l'Éternel. And after that, et après cela, he's saying, let us take on the commission. Il dit, faisons la grande commission. Let us go out. Allons dehors. And win the dark world. Et gagner le monde des ténèbres. How do you win the dark world? Comment vous gagnez le monde des ténèbres? When you walk with the lamp of salvation. Lorsque vous marchez avec la lampe du salut. And they can see the light of Christ. Ils peuvent voir la lumière de Christ. The light of God. La lumière de Dieu. The perishing world in darkness. Ceux qui sont en train de périr dans les ténèbres. They will be attracted to your light. Ils seront attirés par ta lumière. Even you as you walk. Même lorsque tu marches. That light will be a lamp unto thine feet, unto your feet. Cette lampe sera une lampe à tes pieds. You won't knock a stone and fall. Tu ne verras pas toucher une pierre et tomber. So people wonder, why is she not falling? Et ils vont se demander comment il ne où elle ne tombe pas. Why is that pastor not falling? Comment ce pasteur ne tombe pas? When all pastors are fallen. Alors que tous les pasteurs sont en train de tomber. The light of salvation. La lumière du salut. The Lord is saying, let us light up the lamps. Let us trim the kitambi, the wicks. Il dit, allons allumons les mèches des lampes. Let us trim the wicks now. Arrangeant les mèches. And pour new oil. Et mettant une huile nouvelle. For such a time as this. Pour un temps comme celui-ci. And walk with bright light. Marcher avec une lumière éclatante. And the perishing world. Et ceux qui, le monde qui périt. Will be attracted to the church. Sera attiré à l'église. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. You may not even preach it. Vous pouvez même peut-être pas prêcher. In Kenya now. Au Kenya maintenant. I told them when I went there. Je leur ai dit quand j'étais là-bas. When the Lord sent me there. Quand le Seigneur m'a envoyé là-bas. I told them. Je leur ai dit. It was so difficult at that time. C'était difficile en ce moment-là. You preach, only 2-3 come to the Lord. Tu prêches, qu'il y a 2 ou 3 qui viennent au Seigneur. The churches had 37 people, 38. Les églises étaient 38, 39. And I told them. Et je leur ai dit. The Lord has told me. Le Seigneur m'a dit. That if you will embrace repentance, si vous embrassez la repentance, and return to the holiness of the Lord, vous rentrez à la sainteté de Dieu, you will need to break the walls. Vous allez avoir besoin de casser les murs. Because there is going to be an overflow you cannot manage. Qu'il y aura un débordement que vous ne pouvez pas contenir. Nowadays I laugh when the pastors and the bishops come to me. Maintenant je ris quand les pasteurs et les bishops viennent à moi. They say, look, ils disent, ouais, I just built it, I had not even finished. Et j'ai construit, j'ai même pas encore fini. It is so full, I found out we need to build it more out now. Il dit, c'est tellement rempli que nous devons encore construire un peu plus loin. And when they build out, et lorsqu'ils bâtissent un peu plus loin, recently one came to me and said he found that the piece of land he bought is not enough. Il est venu à moi, il a dit la terre qu'ils achètent c'est pas assez. He people are full. Some are standing at the windows listening. Il y a d'autres qui sont outside, qui sont dehors à aux fenêtres écoutant la parole. You don't need to preach it. Tu n'avais pas besoin de prêcher ça. When the pastors begin service, lorsque le pasteur commence le service, they're telling me, look what is happening in our church now. Il dit, voilà ce qui arrive à nos églises maintenant. Before I start to preach, avant qu'il commence de prêcher, a lot of people stand up, almost 50, 100. They say, look, lead us fast to the Lord before you preach. Il dit, voilà, ils se lèvent, ils disent, les leaders se donnent au Seigneur avant que tu prêches. You will not even have to preach it. Tu n'auras même pas besoin de prêcher cela. When the lamp of God is in light, it is lighting in your life. Lorsque la lampe de Dieu est allumée dans ta vie, they will see the light of Christ. Ils verront la lumière de Christ. They will come to Jesus. Ils viendront à Jésus. It is not by might. Ce n'est pas par la puissance. It is not by power. Ce n'est pas par la force. It is by the Spirit of God. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. And you will win the souls. Que vous allez gagner les âmes. You will win the souls. Vous allez gagner les âmes. We the Lord has allowed us to bring him there and celebrate this. L'Éternel nous a permis de l'amener là-bas. You will see. Vous allez voir. But even Canada, même Canada, must see the end harvest. Voit la moisson de temps de la fin. There must be a harvest here. Il doit y avoir une moisson ici. I am speaking with my prophetic tongue here today. Je parle avec ma langue prophétique ici. I have seen a big sheep. Je vois une bergerie. In a dream. Dans un rêve, he showed me a very huge ship. Il m'a montré un très grand bateau. And it was sailing in very crystalline pure water. Et c'était en train de vaguer sur une eau très claire. There is mighty coming to Canada. Il y a une grande chose qui arrive au Canada. That water is the Holy Spirit, the life-giving Spirit of God. Cette eau-là, ça représente le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vie de Dieu. That is going to save the ministries in Canada. Qui va sauver les ministères au Canada. For the end time harvest. Pour la moisson des temps de la fin. Jesus must win in Canada. Jésus doit gagner au Canada. It does not matter anymore. Cela importe plus maintenant. He won at Calvary. Il a gagné au Calvaire. He created all people. Il a créé tout le monde. Even Canada. Même le Canada. Will see the end harvest. Va voir la moisson de la fin. You must. Vous devez. Unless you refuse and close the door. À moins que vous refusez, vous fermez la porte. But if you open, you'll get it. Si vous ouvrez la porte, vous allez recevoir. Very big ship I saw. Vraiment un grand bateau. Okay, let's move on. The book of Isaiah 26. Esaïe 26. Verse 19. Verset 19. The rapture of the dead. L'enlèvement des morts. What is the message the Lord is giving the church? Quel est le message que l'Éternel donne à l'Église? Verse 19, Isaiah 26. Verset 19 de Esaïe 26. But your dead will live, their bodies will rise. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead. Que tes morts reviennent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonne le jour aux ombres. Verse 20. Verset 20. Go, my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourself for a little while. Until his wrath has passed by. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. See, the Lord is coming out of his dwelling to punish the people of the earth for their sins. And he says, the earth will disclose the blood shed upon her. She will conceal her slain no longer. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. What is God saying to the Church of Christ in Canada when he presented the rapture of the dead? Qu'est-ce que Dieu montre à l'Église de Canada lorsqu'il présente l'enlèvement des morts? Make sure you catch this today. Assurez-vous de saisir ceci aujourd'hui. When Isaiah saw the rapture of the dead, lorsque Esaïe a vu l'enlèvement des morts, they are sleeping in the dust being awakened. Ceux qui dormaient dans la poussière réveillés. He talks about the morning dew. Il parle de la rosée du matin. The morning dew somebody. La rosée du matin quelqu'un. And he tells them, et il leur dit, now you can wake up. Maintenant vous pouvez vous réveiller. And shout for joy. Et crier de joie. Because your dew has arrived. Car votre rosée est arrivée. It is like the morning dew. C'est comme la rosée du matin. Our Lord Jesus. Notre Seigneur Jésus. He comes at the midnight hour. Il est venu à l'heure de minuit. And there is going to be a dew. Il y aura une rosée that is supposed to purge up the church, qui doit purger l'église, to wake up the church, pour réveiller l'église, to give life to the church, pour donner la vie à l'église, because the morning has arrived, car le matin est arrivé. And Isaiah celebrates the morning dew. Et Isaïe célèbre la rosée du matin. He says it is the reason they should shout for joy. Il dit c'est la raison qu'ils doivent se crier de joie. What is God saying to you? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Listen to me. Écoutez. He tied it very close to Joel. Il a attaché ça clairement avec Joël. The Joel chapter 2, 28 to 32. Joël 2, 32 à 22. Joel chapter 2. Joël 2. Verses 28 to 32. À 20, de 28 à 32. When he said, afterward, I'll pour out my spirit. Il dit, en ce moment-là, je renverserai mon esprit. That spirit of the Lord, cet esprit de l'Éternel, is the life-giving spirit of God Almighty. C'est l'esprit de vie de Dieu Tout-Puissant. That comes from the throne room of that temple. Qui vient du trône de gloire de ce temple. That the Lord showed me on the 26th of March 2008. Le Seigneur m'a montré le 26 mars 2008. Tremendous, glorious temple of God. Une gloire terrible du temple de Dieu. That spirit flows from there. L'esprit coule de là. And gives life. Et donne la vie. To the dead church. Aux églises mortes. It gives life. Et donne la vie. To the church of Christ, à l'église de Christ, to such a point, à un point, that there will be joy unspeakable. Il y aura une joie inexprimable. Listen to something else here. Écoutez quelque chose d'autre ici. If you look at that spirit very carefully, si vous regardez cet esprit attentivement, it is the latter outpour. C'est l'esprit de la dernière saison. And when it comes, et quand cela arrive, the first thing it does, la première chose qu'elle fait, is bringing the wisdom of God, c'est d'amener la sagesse de Dieu, into the church of Christ, dans l'église de Christ, the life of God, la vie de Dieu, into the dead church of Christ, dans les églises mortes de Christ, that the church of Christ, afin que les églises de Christ, may now be a spiritual church, soit une église spirituelle, that the church of Christ, que l'église de Christ, may now walk in the wisdom of God, puisse marcher dans la sagesse de Dieu. But there is something else. Il y a quelque chose d'autre. That God is speaking to this dispensation. Que Dieu dit dans cette dispensation. Listen to this very carefully. Écoutez ceci attentivement. Down there, là-bas, he says, il dit, go my people. Allez mon peuple. Alléluia. My people, mon peuple. Go my people, allez mon peuple, and enter your rooms, entrez dans vos chambres, for a little while, pour un moment, until his wrath, jusqu'à ce que sa colère, has passed by, soit passée. Listen to this. Écoutez ceci. John chapter 14. Jean 14. Only verses 1 to 3, precious people. Juste versets 1 à 3. John 14, this is what he says. Jean 14, voici ce qu'il dit. Verse 1 to 3. Verset 1 à 3. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. You know the way to the place where I am going. Vous savez l'endroit où je vais. Are you seeing the rooms he's talking about? Voyez-vous les demeures dont il parle? The rooms Isaiah saw. Les chambres que Esaïe a vues. That they were entering there. Ils entraient là-bas. But only my people. Seulement mon peuple. Only my people enter their rooms. Seul mon peuple peut entrer dans ces chambres. Not everybody enter there. Pas tout le monde peut entrer là-bas. God is saying. Dieu a dit. That only my people. Seul mon peuple. Will be raptured in the wedding of the Lamb. Sera enlevé au mariage de l'agneau. And as they enter there. Et lorsqu'ils entreront là-bas. Like it was during the time of Noah. Et ça sera comme au temps de Noé. So will it be at the coming of the Son of Man. Et cela sera de même à l'arrivée du Fils de l'homme. At the time of Noah, au temps de Noé, the door was shut. Les portes étaient fermées. Genesis chapter 7 verse 16. Genèse chapitre 7 et 16. Genesis 7, 16. Let us get this thing today. We will not come back here soon. Nous ne reviendrons pas ici maintenant. Genesis 7, 16. Read with me. Genèse 7, 16. He says, il dit, the animals, hallelujah, the animals, let me, verse 16, Genesis chapter 7 verse 16. The animals going in were male and female of every living thing as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Then the Lord L'Éternel shut the door. Ferma la porte. Do you see what Isaiah saw? Do you understand revelation to the church? Vous comprenez la révélation à l'église? He's saying, il dit, the door is going to be closed soon. La porte va se fermer bientôt. Make sure you prepare yourself. Assurez-vous d'être prêt. That on that day, en ce jour-là, you will be my people. Vous serez mon peuple. That enters. Qui entre. Until the door is shut. Et la porte sera fermée. For a little while. Pour un petit temps. For 7 years. Pendant 7 ans. Until the second coming of Christ. Jusqu'au second retour de Christ. When the door will be opened again. Lorsque les portes se rouvriront. For them to come out with the Messiah. Pour eux de sortir avec le Messie. Heading to Jerusalem. Allant vers Jérusalem. The raptured church. L'église qui est élevée. Coming out with the Messiah. Sortant avec le Messie. Heading to Jerusalem. Allant à Jérusalem. And there will be the heavenly hosts. Ça sera les anges angéliques. They will be dressed in fine linen. Ils seront habillés dans lin fin. Bright and clean. Pur et éclatant. The same fine linen. Le même lin fin. Bright and clean. Pur et éclatant. That you see in Revelation. Que nous voyons dans Apocalypse. Chapter 19. Chapitre 19. Verse 8. Verset 8. You also see it. Vous le voyez aussi. In Revelation 19. Vous le voyez dans Apocalypse 19. Verse 14. Let's find it somebody. Au verset 14. Trouvons-le quelqu'un. So God is saying. God, Dieu dit. Don't miss that door. Ne ratez pas la porte. When he showed me the rapture of the dead. Lorsqu'il m'a montré l'enlèvement des morts. He spoke very mighty to the church. Il a vraiment parlé à l'église. Listen to what he says here. Revelation 19 verse 11 to 21. Write it down, read at home. I'm reading only a few scriptures because of time. Apocalypse 19 de 8 à 20. Lisez ça. Vous prenez les notes, vous allez lire à la maison. You remember Revelation 19. Rappelez-vous Apocalypse 19. Verses 6 to verse 9. De verset 6 à 9. Was celebrating the wedding of the Lamb of God. On célébrait le mariage de l'agneau de Dieu. And he's talking about how there is felicitation in the kingdom of God. Il parlait de la félicité dans le royaume de Dieu. He's saying how there is jubilation because the bride of Christ is now wearing fine linen, bright and clean. Et il disait comment il y avait la jubilée, la joie parce que l'épouse de Christ portait un habit de lin fin. But now, mais maintenant, verse 11 to 21, Verset 11 à 21. He's talking about the second coming of the Messiah. Il parle du second venu du Messie. When all eyes will see him. Que tous les yeux verront. But now he's coming with the raptured church. Maintenant, il revient avec l'église qui avait été enlevée.